il fait froid, alors notre technicien est gelé un peu. Et tout à l'heure, en montant l'escalier ici, on m'a posé une drôle de question. Et la question, c'était que nous réserve 10 prochaines années. Et puis je lui ai dit, mais on pose pas de questions quand on veut pas avoir de réponse. Alors il m'a garanti que si je répondais pas pendant la première partie, qu'il me la reposerait à la période de questions. On a entendu tous parler suffisamment des apocalypses. Depuis Jean de Patmos, entre autres, beaucoup d'humains se sont évertués à prévoir ou à prédire des cataclysmes, des misères, des épidémies, des guerres. Plusieurs prétendaient que c'était pour punir l'humanité. La punir de quoi? Quand on me dit qu'un apocalypse est pour punir l'humanité, ça me fait penser un peu à la même chose que lorsque l'on me dit que le sida, c'est Dieu qui envoie ça pour punir l'humain. Alors, la femme, par exemple, qui ne trompe jamais son mari, qui est une bonne mère de famille, qui a une relation sexuelle avec son mari, qui, lui, la trompe et a attrapé le sida, eh bien, il la donne à sa femme et sa femme est punie parce qu'elle n'a rien fait de mal. L'enfant qui vient au monde à travers une mère qui a le sida et qui peut peut-être génétiquement l'avoir, bien, il est puni. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il va faire de quoi, c'est sûr. Alors, lorsque l'on parle de punition, est-ce qu'on peut réellement prétendre que tous les humains devraient être punis, entre guillemets? Il y a un problème, c'est que peut-être que finalement, tous les adultes ont péché, dans les termes théologiques. Peut-être qu'ils ont accompli des choses inécologiques, disons. Mais les enfants qui naissent n'ont pas encore eu le temps. Et là, on va dire, oui, mais c'est le péché fondamental. Le premier péché, on leur a bouffé une pomme. On fait quelque chose comme ça, bon, sans le payer peut-être. Et ce péché d'Adam et Ève, eh bien, on peut au moins se revenir là-dessus pour dire que l'enfant doit payer aussi. Il y a plusieurs formes de prophètes qui sont d'accord avec l'idée que l'homme est pécheur, donc coupable. À la naissance. Là, on se demande pourquoi il nous force à naître. Les prophéties d'Edgar Cayce, Jean 23, Nostradamus, Michel de Notre-Dame, c'est un des grands qui a massacré énormément de conscience humaine avec ses prophéties, et plusieurs autres. Même les astres, apparemment, nous prévoient des désastres. La fin du monde. La fin du monde, elle a eu lieu, j'ai déjà expliqué, en 1518. Alors, il y a un paquet de gens qui s'étaient regroupés pour la fin du monde, et puis le lendemain matin, bien, ils ont été boire à la taverne parce que pour oublier, parce que ça n'a pas marché. Bon. Alors, depuis ces temps, on a des fins du monde régulières. Mais finalement, la majorité des prophéties s'entendent pour dire qu'avant l'an 2000, ou entre 1992 et l'an 2023, vous voyez que les prophètes deviennent un peu plus sérieux, c'est-à-dire que là, ils mettent plus une date avec un mois puis une heure, ils nous laissent une cinquantaine d'années de jeu. Ils ont des chances d'être morts avant que ça arrive, comme ça, si ça n'arrive pas, ben, on ne peut pas leur sauter dessus. 1992 à l'an 2023. Qu'est-ce qui est théoriquement, ésotériquement, religieusement prophétisé? On parle dans certaines prophéties d'un ère. De 13 800 années de paix, de créativité, d'art, A-R-T, d'expression, de liberté. Dans d'autres phénomènes théologiques, on parle de 1000 ans de paix. Il y en a qui sont plus positifs que d'autres. On parle d'un millénium. Et depuis longtemps, on attend une ère nouvelle, l'ère du Verseau. Alors, tous ceux qui sont versés dans l'étude des prophéties, attendent impatiemment cette ère du Verseau. Alors, on a énormément de prophéties qui amènent et qui vont dire que 144 000 élus, le chiffre est inexact, vont survivre à ce millénium. D'autres vont dire, c'est ceux qui font partie de notre foi et à la fois de notre religion. Mais là, est-ce qu'il y a 144 000 témoins de Jéhovah? Parce que s'il y en a plus, les autres devront mourir. Si les catholiques sont prêts à accréditer cette théorie de l'Apocalypse, il y a beaucoup plus de 144 000 catholiques. Alors, comment on va voter? Seulement d'allumer, nécessairement, ils vont voter pour eux. On prévoit quoi? Et après, je vous dirai ce que j'en pense. On prévoit, premièrement, qu'une grande partie du bouclier canadien va bouger vers le bas, donc va descendre. Il y aura un plissement au sud du bouclier canadien, ce qui va entraîner l'eau du fleuve Saint-Laurent à couler vers les terres et non plus vers la mer, à un certain endroit du fleuve. Les grands lacs vont maintenant se vider exclusivement dans le Mississippi, Missouri, dans les fleuves qui vont aux États-Unis. On prévoit que différents barrages hydroélectriques vont être fracassés par des tremblements de terre. Et les calculs faits par certaines personnes de l'Université de Montréal, il y a quelques années, disent qu'un mur de 200 pieds d'eau peut facilement partir de la baie James et descendre balayer Montréal. 200 pieds de haut d'eau. Pourquoi? Parce que la terre étant imperméable, l'eau n'aura pas tellement le temps de pénétrer la terre. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup de lacs. Et que c'est intéressant. Mais il y en a qui sont meilleurs encore. Ils prévoient plus que ça. Ils prévoient des guerres. Des guerres nucléaires. Pas avec des bombes atomiques, avec des bombes d'hydrogène. C'est quelques milliers de fois plus puissant. Pas moins de place, c'est économique. Alors, on envisage nécessairement, à force de jouer avec une guerre froide, la dissuasion, le temps où un jour un être fou va appuyer sur un piton et envoyer toutes ses ogives nucléaires fracasser le visage des autres. Et nécessairement, les autres auront prévu que même morts, ils pourront se venger, tel est l'homme. Et ils pourront détruire les survivants après, même si les autres ne sont pas là pour le voir. Bon. Mais on ne pèse plus sur un piton. Et on fait suffisamment de tests et ça ne marche pas comme ça. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont été dans un certain pays pour libérer les otages, ils sont partis avec quelques hélicoptères, disons 6. Ils en avaient besoin de 4 en fonction. Un des hélicoptères n'a pas pu décoller du pont du porte-avions, alors un autre a été affecté. Ils sont partis, un est revenu. Un autre a eu une panne, il est revenu aussi, il en reste 4. Et finalement, c'était insécure, l'un des 4 hélicoptères marchait mal, alors on a rembarqué les troupes dans les 3, puis au décollage, ils sont rentrés dedans, puis ils sont restés là. Sur cet hélicoptère, 4 n'étaient pas aptes. Alors, sur le nombre de ogives nucléaires, combien vont atteindre leur cible, combien vont pouvoir traverser? C'est mathématique. Pourquoi, si avec 10 ogives, on peut détruire un continent, pourquoi en avons-nous 200? Parce qu'il y en a peut-être 50 qui ne décolleront même pas de leur base. Et il y en a combien qui ont des têtes bidons, qui sont là pour faire peur? Sur 10 ogives nucléaires, il y en a peut-être juste une qui est effectivement efficace. On prévoit quand même une guerre nucléaire, on prévoit un hiver nucléaire qui va durer de 40 à 100 années. On prévoit aussi des guerres civiles, des guerres internes. Parce que les pays qui ne seront pas attaqués par les ogives nucléaires vont s'ennuyer. Alors, normalement, ils devraient se battre entre eux, comme le font déjà l'Amérique du Sud et une partie de l'Amérique centrale. Ça occupe. On prévoit des maladies. Et on prévoit aussi que le fils va se retourner contre son père et la fille contre sa mère. Et certains disent que c'est déjà commencé. Lorsque la mère a dit à sa fille comment elle doit penser, à qui elle doit croire, la fille ne veut pas. Vous voyez, si vous pensez que la mère sort la fille, c'est faux. La fille sort la mère. La grand-mère, la fille sort la grand-mère. Et on parle aussi d'une bête. Certains disent que c'est la science. D'autres disent que c'est l'Union soviétique. En même temps, on prévoit que le Messie, le Christ, va venir de l'Union soviétique. À un moment donné, dans tous les journaux de la planète, ou presque, enfin, c'est ce qu'ils disaient dans les journaux, on annonçait la venue de Maitreya, qui était Bouddha, Mahomet, le Nazaréen réuni, et tous ceux que vous ne connaissez pas. C'est oublié. Un peu. Que nous réservent les 10 prochaines années? Si on prend les prophéties et disons qu'il y a un certain pourcentage des prophéties qui s'accomplissent, eh bien souvent on va surtout parler, si on est pour les prophéties, de ceux qui arrivent et si on est contre, de ceux qui n'arrivent pas. Mais il y a quand même, à travers le hasard ou le Lazare, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez à chaque année prévoir 10 événements pendant 10 ans. Et il y a un pourcentage de ce que vous allez prévoir qui va nécessairement arriver pour la simple raison que jusqu'à date, ça fonctionne comme cela. Alors, de prévoir une guerre pour l'humanité, alors que l'humanité a toujours été en guerre, il ne fallait pas être bien génial. Les famines, les épidémies, il y a une chance que ça arrive. Et là, on a le sida. Et on a d'autres maladies aussi. On peut en inventer d'autres. Tous les prophètes ont parlé d'une apothéose après l'Apocalypse. Tous les prophéties parlent d'êtres humains qui ne subiront pas l'Apocalypse. Mais toutes les prophéties s'entendent plus ou moins pour situer l'éclatement des problèmes dans les 10 prochaines années, culminant vers 1998 et se terminant autour de l'an 2023. Il y a énormément de personnes qui déjà vont dire, ben moi je vais avoir 75 ans ou moi je vais avoir 122 ans, fait que j'imagine que je ne serai pas là. Tout se peut. Remarquons que certaines prophéties disent même que le monde de la mort va être dissous. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que j'explique. Le monde de les personnes vont vouloir trouver la mort et ne la trouveront pas. Ben, quand on veut trouver la mort et ne la trouve pas, on peut vivre longtemps. Bon. Et ceux qui considèrent le processus de la réincarnation comme étant une chose plausible, ils peuvent aussi se réincarner en 2021 ou en 2017. Alors, qu'est-ce que nous réserve les 10 prochaines années? Si toute l'humanité décide de changer, on va s'amuser. Si la moitié de l'humanité décide de changer, on va s'amuser. Si un centième de l'humanité décide de changer, on va s'amuser. Si un 10 millionième décide de changer, on va se battre. Toute attaque est en réalité une défense. C'est le problème. L'homme n'est pas la majorité des humains. On a quelques chefs. Un troupeau de lions conduit par un mouton, pas de problème. Un troupeau de moutons conduit par un lion, dangereux. Les peuples sont des êtres pacifiques. Le problème, ce sont des êtres peureux. Et quand on a peur, finalement, on se défend. Quand une abeille rentre dans l'automobile, bien, on la tue, parce qu'on en a peur. On n'attend pas qu'elle nous attaque. Puis on préfère la haïr. Et dire que c'est dangereux, puis ça pique, puis ça fait mal, puis avec, elle peut rentrer, puis c'est son plan de vie, puis en tout cas, non, mais bon. Ça nous permet de mieux dormir. À un point tel qu'un jour, on pourra détruire des humains en se disant simplement, bien, il y avait un canet de notre bord. Alors, les sociétés sont changeantes. Sauf qu'une société ne change qu'à petits pas. Pourquoi? Parce que la société, c'est la collectivité. Et la collectivité, elle a un problème. C'est que lorsque l'être humain est collectif, il n'est plus un individu. Si on prend 100 génies et qu'on les place dans le même stade pour regarder une partie de football, bien, ils vont gueuler comme s'ils étaient des imbéciles. Ils ne seront pas à la hauteur du plus bas des génies. Dans une masse, on n'a pas affaire à des êtres intelligents. Mais lorsque l'on prend les individus dans la masse, là, on peut toucher à leur potentiel. Alors, le problème de l'évolution d'une société, c'est exclusivement que l'être humain attend toujours que la masse agisse pour pouvoir se donner la permission ou le privilège d'agir. Ça ne va pas changer grand-chose si je le fais, fait que... Lorsqu'on a arrêté un bonhomme qui s'appelait Valessa et qui restait en Pologne, il y a des personnes qui sont approchées de lui et lui ont dit « Cesse donc de crier, ça ne sert à rien. » Et lui a répondu « Moi, ça ne sert à rien, mais si toi tu commences à crier, ils vont t'arrêter aussi. Puis si l'autre commence à crier, ils vont l'arrêter aussi. Puis si l'autre commence à crier, à un moment donné, ils ne pourront plus tous nous arrêter. » Alors le problème, c'est que la personne qui a l'idée ou la personne qui pourrait changer les choses, bien souvent, elle se fait massacrer, matraquer. par les ennemis et aussi par ses amis qui souffrent de ne pas être capables de le suivre et qui vont tout faire pour lui dire « Va donc te coucher comme tout le monde. » Alors, à un moment donné, si on parle d'un monde nouveau, 95% des individus préfèrent en rire. Ou bien ils n'ont pas la volonté de travailler pour le créer, alors ils préfèrent faire en sorte que les autres ne puissent pas le créer non plus. Il n'y a rien de plus écœurant que de voir les autres réussir ce que tu aurais voulu, mais que tu n'as pas eu assez de volonté pour faire. Quand on parle de monde nouveau, 95% des gens n'y croient pas. Quand on parle d'apocalypse, ces mêmes 95-là préfèrent ne pas en entendre parler. Alors, on a une société où on peut mettre des écouteurs, des Walkmen, des Walkwomen sur les oreilles, où on peut boire, où on peut s'amuser, se distraire, et tout faire en sorte pour oublier. Mais lorsque l'on oublie une mauvaise herbe, lentement, on oublie aussi le jardin. Les jeunes disent « Je veux vivre ma vie maintenant. » Comme s'ils vibraient que la vivre plus tard, il y a des chances de ne pas être là. Et nécessairement, ça crée une condition plutôt originale. La majorité de la jeune jeunesse n'est vraiment pas préparée à prendre la relève dans une société. Ils n'en veulent pas. Alors, apocalypse ou pas, si on regarde juste l'étude psychologique ou socio-psychologique ou socio-écologique de notre société, à part le fait qu'il n'y a pas beaucoup de naissances au Québec, mais ça, c'est pas un problème, c'est prévu et c'est brillant, il y a des problèmes. Quel genre de vie l'être humain veut-il avoir? Tout se peut. À un moment donné, Hannibal a décidé de ramasser des éléphants et de traverser les Alpes. Il n'y a rien de plus stupide. Il a perdu la moitié de son armée, mais il a traversé. À un moment donné, il y a un bonhomme fou qui a décidé d'essayer d'envoyer quelqu'un marcher sur la Lune. Il était fou, mais pas câble. Lui, il n'a pas été, il a envoyé quelqu'un d'autre. Ou quoi? Bon. Et les missions Apollo ont commencé. Juste penser à celui qui a essayé de convaincre autrui qu'on pouvait voler avec un avion. Tout le monde pensait qu'il voulait les voler, pas voler. Mais il y en a qui ont eu confiance, qui lui ont donné de l'argent. Il les a pas volés, il a fait un avion, puis il s'est tué. Bon. Mais lentement, il y en a qui ont réussi. Puis on a commencé à pouvoir voler. Vous allez faire un tour sur le Mont-Royal. Quand il ne fait pas trop froid, il fait beau, il fait clair, vous asseyez sur le gazon tout seul dans un coin, puis vous regardez la ville de Montréal. Et là, moi, j'arrive à côté de vous, puis je vous dis, te rends-tu compte que c'est des humains comme toi qui a bâti ça, puis qu'avant, c'était une forêt, là? On est venu au monde dedans, ou on est venu au monde dans d'autres villes. On trouve ça tout à fait normal qu'il y ait une ville. C'est des petites briques, hein, placées une par-dessus les autres avec une rangée de ciment, dans la majorité des cas. Il y en a combien de milliards de petites briques? Plus le système d'égout, le système d'autoroute avec de l'asphalte, les automobiles, l'électricité, les fils qui nous amènent ça de... on ne sait même pas où. On connaît des noms, mais on ne sait même pas si c'est la planète. Bon. Et tout ce que nous avons, c'est quand même l'homme qui l'a fait. Mais ce n'est pas la collectivité qui l'a fait. La collectivité, elle a lutté contre... et elle en a bénéficié. La première contravention planétaire a été donnée en Angleterre, dans un petit village, parce qu'un bonhomme venait de traverser le village à la vitesse d'approximativement 13 km à l'heure. Alors le brigadier l'a poursuivi avec sa bicyclette, l'a rattrapé, il a donné une contravention pour excès de vitesse. La première locomotive à vapeur, parce qu'elle n'a pas marché du premier coup, elle a été reléguée et des fous ont décidé de continuer. Henry Ford, la première automobile qu'il a faite, il était content, il était allé voir sa femme avec, il l'a stationné, c'était au bout. Quand il a voulu partir, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire décrire la marche arrière. Alors ils l'ont poussé pour le faire reculer. Parce que lui, il croyait, ça l'a continué. Au nom du fait qu'une chose, la première fois, ne fonctionne pas, la collectivité préfère en rire, puis trouver ça niaiseux. Quand la collectivité est rendue qu'elle a même un langage bizarre où elle va dire qu'ils ne savent plus quoi inventer devant une nouvelle invention. Alors, ils savent quoi inventer. Chaque fois que l'être humain dit « ils ne savent plus quoi inventer », c'est toujours devant quelque chose de neuf. Lui, il ne sait plus quoi inventer. Et il ne veut pas supporter l'idée qu'on continue à inventer. Quel genre de monde l'homme veut-il avoir? Au fin fond de lui, il peut fouiller, il y a des choses, des cossins, on y donne, ça y va. Le problème, c'est est-ce qu'il est prêt à croire à ce qu'il pense? Est-ce qu'il est prêt à vérifier si ça se fait? Au minimum, est-ce qu'il est prêt à essayer juste parce que c'est intelligent d'essayer? Énormément de recherches scientifiques, dont l'invention du transistor, qui n'était pas accidentelle et qui a été faite par Bell Canada en Ontario, et ça l'a révolutionné nécessairement à toute l'électronique, on a éliminé les lampes. Ça a accéléré la vitesse, la précision, la qualité, etc. Ça n'a pas marché du premier coup. Parce qu'il y en a qui ont dit, bien, on subventionne. L'idée est intelligente. Ça va-tu marcher? On ne le sait pas, mais c'est intelligent que ça marche. On subventionne. Ça coûte cher, parce que de temps en temps, on fait totalement fausse route, et puis on revient. Parce qu'il y a suffisamment de fous, même s'il y en a qui font fausse route, on continue à les supporter. La personne ne peut pas créer, mais elle peut gérer. Alors, elle supporte. Bâtir une société, c'est extrêmement long et pénible. Aujourd'hui, on en est rendu où on parle peut-être de dépolluer. C'est les enfants qui auront le travail de dépolluer, pas nous. Parce que nous, à la vitesse où on change, on continue à polluer. Ça coûte cher. Une chose intelligente ne coûte jamais cher. Peut-être que c'est parce que nous sommes seuls à la supporter. Peut-être que s'il y aurait 3, 4 personnes, ou 15, ou 1000, ou 10 000, ou 20 000, ou 1 million, ou 3 millions, ou 1 milliard. Peut-être que s'il y aurait plus de gens qui voudraient supporter l'intelligence ou l'idée intelligente, ah ben là, ça coûterait pas cher. Le problème, c'est que continuellement, nous, on a une idée, et quand on va la soumettre, eh bien, la collectivité répond, « Qui t'es, toi, pour soumettre ça? T'as-tu des diplômes? Va te voir. T'as-tu déjà fait quelque chose dans le genre? » Si vous lui dites « Oui, 4 fois, mais j'ai manqué mon coup les 4 fois », une personne intelligente devrait dire « Donc, tu as de l'expérience. » Peut-être que là, on peut s'arranger pour que tu réussisses. Tu as manqué 4 fois! C'est la preuve que c'est pas bon. C'est ce que normalement, on se fait répondre. La personne qui veut arrêter de fumer, qui manque son coup, quand ça fait plusieurs fois, puis là, elle dit encore à sa famille « Bon, ben là, je vais arrêter de fumer. » Qu'est-ce qu'on lui répond? « Encore? » T'aimes ça te faire souffrir? Et peut-être que là, c'est la foi. L'être humain a bâti une planète où il était dépendant de l'extérieur. On dépend pour notre pétrole. Ils dépendent pour notre blé. On dépend pour les forces militaires. Et ils dépendent aussi pour nos forces technologiques. Quel que soit le peuple sur la planète, il n'est pas autonome, autarcique. Il est dépendant des autres. Et c'est cette dépendance qui crée la problématique d'une guerre. Et c'est prévu. Alors, je pourrais parler de ce que les prophètes prévoient pour les 10 prochaines années. On en a lu suffisamment de livres. S'il y a des questions en deuxième partie, je pourrais répondre. Mais ce qui m'intéresse surtout de parler, c'est ce que nous devrions nous prévoir. Un jour, un bonhomme vient voir un jeune Anglais, Thomas Edward Lawrence, et il lui dit, tu veux continuellement changer le cours des choses, mais tu dois savoir que quand c'est écrit, c'est écrit. Alors Thomas Edward Lawrence, il ne croit pas à ça, il ne veut rien savoir, et à un moment donné, ils s'en vont pour, ils traversent une partie du désert en Arabie, et ils s'en vont quelque part, et il y a un bonhomme qui se perd, il s'endort sur son chameau, et il se perd. Thomas Edward Lawrence, il décide d'aller à sa recherche. On lui dit, ben non, c'est écrit qu'il doit mourir. Et puis lui, il part à rire. Il part. Vers la fin de la journée, il arrive avec le mec en question qui est vivant. Alors on lui dit, lui il répond, Quelques jours après, il rencontre une autre peuplade de tribus dans le désert et il veut les allier à lui pour se battre contre les Allemands. Sauf qu'il y a une chicane qui éclate entre les deux, et il y a une insulte majeure, et celui qui a commencé doit être tué. Alors Thomas Edward, il sait que c'est quelqu'un de son clan, et il dit « je vais le tuer » pour pouvoir prouver sa foi à l'autre tribu. Le problème, c'est que le gars qui l'a sauvé, c'est lui. Et il doit le tuer lui-même. Et là, la gang vient le voir, puis C'était écrit qu'il était pour mourir. Beaucoup plus tard, il y a une ville invincible parce que les canons sont toujours déplacés et on ne sait jamais où. Il y a toujours un côté qui est libre et on ne sait jamais quel bord attaquer. Et tout le monde sait que c'est impossible de la prendre d'assaut. C'est écrit. Thomas-Édouard Lawrence, connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, s'en va dans le désert et là, médite, ou fait un voyage astral, ou fait n'importe quoi. Quand il revient, il dit, le mur qui est libre, c'est tel mur. C'était écrit qu'il était pour perdre, selon tout le monde. Ils ont attaqué, ils ont gagné. Et là, il a dit, c'est écrit. Vous savez tous écrire? Profitons donc de ce privilège et écrivons. C'est écrit qu'il y aura un apocalypse. Et peut-être aussi qu'on peut écrire par-dessus. Une chose qui est écrite aussi, c'est qu'il y a toujours dans toutes ces prophéties de la place pour de la vie, de la place pour de l'espoir, de la place pour un monde neuf, de la place pour de la paix, de la place pour de la création, de la place pour une science humaine, un cœur intelligent ou une intelligence qui a du cœur. Il y a toujours de la place pour les êtres humains. Et la majorité des êtres humains préfèrent travailler à oublier l'Apocalypse parce qu'ils ne croient pas à l'apothéose. Que nous réservent les 10 prochaines années? Dans une société où l'être humain se lutte l'un contre l'autre, nécessairement, s'il y a de grands problèmes, certains vont s'unir. Mais s'il manque de certaines choses, ils vont se battre. Et c'est prévu aussi par les prophéties qu'il y aura des guerres civiles internes à chaque pays après une grande catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui cultive va simplement se faire piller par celui qui ne cultive pas. Et la majorité des humains ont un orgueil qui les place à un point où ils vont dire « Je ne cultive pas. » Alors, il y a des personnes qui s'achètent des abris antinucléaires, des personnes aux États-Unis qui s'arment totalement, hein, ils sont prêts à lutter contre... même les extraterrestres. Mais ce n'est pas comme ça qu'on prépare un problème. Si l'homme, si la femme, s'ils sont capables de penser à des solutions intelligentes, pas en vue de fuir un apocalypse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Chose est certaine, c'est ce qui va arriver n'est pas prévu par l'homme. Tout ce qui a été écrit est faux. Par contre, ça n'empêchera pas les misères, mais pas comme comme on l'attend. Ça va venir d'une façon beaucoup plus hypocrite. C'est pas comme on l'attend, mais ce sont des avertissements. Qu'est-ce que c'est qu'une chose intelligente? Une chose intelligente, c'est une chose qui demande peut-être de la volonté, qui demande peut-être des efforts, mais qui demande obligatoirement un travail en groupe. Un travail en groupe, cela ne veut pas dire que les êtres humains doivent être collectifs du point de vue de la conscience. Lorsque le feu prend dans une poubelle puis qu'on est deux à regarder, on peut l'éteindre tous les deux. On n'est pas collectif parce qu'on l'éteint tous les deux. On est intelligent. Être collectif, cela veut dire ne pas être capable de décider de par soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assoit et on se dit, oh, moi j'attends. Si ça marche, j'embarque. Si ça ne marche pas, j'embarque pas. Oh, ben, si une guerre nucléaire, moi je vais monter le premier à mourir, ou ça, je souffrirai pas. Et ça, il y en a un maudit paquet qui pense ça. J'ai même déjà entendu des mères de famille dire que si ça arriverait, ils tueraient même leurs enfants. Pas qu'ils souffrent. C'est de l'hypocrisie et de l'égoïsme. Mais guerre nucléaire ou pas, problématique ou pas, les 10 prochaines années vont être plus polluées que jamais. On n'est pas parti pour dépolluer présentement. Les 10 prochaines années font en sorte, surtout au Québec, de créer des êtres humains de plus en plus individualisme, mais du point de vue du travail. Des êtres humains qui auront de plus en plus de la difficulté à communiquer entre eux, à se parler, à s'entraider, à se partager des choses. On enligne lentement une société où on ne s'occupe même plus d'éducation. des adultes comme des enfants. Ou finalement, on va faire du conditionnement physique parce qu'on recherche de l'esthétique. Pas d'intelligence là-dedans, mais de l'émotion. Si moi, je dis à une personne, en dépolluant ton atmosphère chez vous, tu vas maigrir. Ah ben là, elle va dépolluer. Si on dit à un gars, en cessant de fumer, tu pognes plus, ah, là, il va commencer à vouloir s'organiser. Mais le gars va dire, ben moi, je crouse les filles qui fument. Tout simple. Ça crée une société qui a une part majeure de communiquer quoi? Les solutions. Il y a des humains qui se lèvent dans la société et qui font énormément pour la société. Mais ils doivent travailler. Ils doivent travailler fort. Juste pour ne pas être écrasés par les autres. Puis quand finalement ils demeurent, là certains commencent à les aider. Les 10 prochaines années, ce sont 10 années tampons. Ça peut ressembler un peu à l'automne ou à l'été des Indiens. Mais l'humain ne doit pas envisager les 10 prochaines années en fonction d'une peur. Il doit simplement se dire, 88 à 98, je vais juste essayer, parce qu'il est intelligent d'essayer, parce qu'il est esthétique d'essayer, juste essayer d'améliorer les choses. Juste essayer d'améliorer les choses, ça fait de lui nécessairement un être extraordinaire, un être formidable, un être plus individuel dans sa conscience que les autres. Et là, on se rapproche encore une fois, si ça peut vous faire plaisir, de la définition d'un élu. Mais on se fout des élections. À un moment donné, il y avait sur la Terre un pays qui était tout le temps et continuellement régi par des tyrans. Les tyrans achetaient les hommes forts du peuple en leur disant qu'ils pourraient, s'ils travaillaient pour le roi, bénéficier premièrement d'un uniforme. L'uniforme est un symbole de collectivisme, alors nécessairement l'individu se sent plus puissant, alors ça l'aide, ça le sécurise. Il mangerait 3 repas par jour. Et il aurait comme fonction d'aller chercher ces 3 repas par jour. Puis d'en amener un peu plus pour le roi. Bon. Alors, lentement, le peuple devait cultiver, devait travailler, élever les animaux, payer des impôts, payer des dettes. Les terres, on leur expropriait et on leur prêtait, et finalement, on leur louait. Et finalement, on leur vendait et on les reprenait et on les revendait. Et à un moment donné, à travers ces gens, à travers ce peuple, un individu a décidé que ça en était suffisant. Ça en était assez. Alors, il se lève et il s'en va parler à certaines personnes. Et du jour au lendemain, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il est allé compter ça à quelqu'un et la personne a dit « Hey, ça a de l'allure son affaire, mais ça ne marchera pas. Vu que ce n'est pas pour marcher, si je vais stouler son roi, il va être payé. » Ah, c'est au bout. Il part tout de suite voir le roi, il stoule. Il se fait tuer, puis le gars avec. Bon. Le roi, c'est pas un imbécile, c'est un tyran. Un traître. Ça trahit, par définition. Fait que, maintenant qu'il a trahi, on va tuer le gars qui a trahi, vu que c'est un traître. Personne n'en veut des traîtres. Et lentement, un autre se lève et commence à gueuler. Et il claque. Un autre se lève et il se rassoit. Et lui, il décide simplement d'améliorer juste les choses-là. Et lentement, il crée des mécanicités pour changer. Et à un moment donné, le peuple qui en a marre se révolte, crée une révolution, renverse le gouvernement et se libère. On a déjà eu, sur notre terre d'Amérique, un pays qui a été divisé en deux parce qu'ils avaient deux philosophies différentes. L'une disait que l'animal noir était fait pour servir l'homme, et l'autre disait que l'être humain noir était fait pour vivre aux côtés de l'être humain blanc. Et c'était juste question de philosophie. Jusqu'au jour où certains êtres humains ont dit que ce n'est pas question de philosophie. Que nous réservent les 10 prochaines années? Si on ne ne libère pas l'homme noir, un jour il sera aussi nombreux que nous et il se libérera lui-même. Et là, on sera l'esclave. Parce que les hommes noirs, différemment des hommes blancs, se tiennent entre eux. Ils se parlent, ils s'appellent mon frère, même s'ils ne se sont jamais vus. Tandis que l'homme blanc, il se snobise, eux autres. Alors, il y en a qui ont pensé que c'était peut-être intelligent de libérer immédiatement ces êtres humains noirs-là pour en faire des associés. Et ils ont été prêts à entrer en guerre contre l'homme blanc, ces blancs. Et ils en sont battus pendant quelques années, c'est la guerre de sécession. Les États du Sud ont fait une sécession, sont retirés. On est allé chercher. Tout est possible. Alors, que peut nous réserver 10 prochaines années? Est-ce que, de temps en temps, ça peut vous plaire, vous, en tant qu'adulte? Parce que bien souvent, l'adulte devient sérieux. Et parce qu'il est sérieux, il y a bien des choses qu'il ne fait plus, qu'il devrait faire. Est-ce qu'on peut se coucher dans son lit, ou dans le jardin, ou dans le salon, écouter une petite musique, et puis essayer d'imaginer un monde dans lequel on aimerait vivre? Pas un monde qu'on nous a imposé. Pas un monde qu'on s'est laissé imposer et pas un monde que finalement on impose. Mais un monde qui pourrait nous plaire. Sans, immédiatement, lorsque l'on commence à visualiser quelque chose, sans se dire « Ah, mais c'est impossible. » Lorsque j'étais jeune, j'ai rencontré un journaliste de Radio-Canada à propos de quelque chose que je faisais et il m'a dit « Vous savez, M. Kem, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible ce que vous faites. » Et moi, j'ai répondu, oui, effectivement, c'est impossible tant qu'on ne l'a pas fait. Et ça, ça ne l'a pas passé à la télévision. Il n'y a pas le temps. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans les 10 prochaines années? Est-ce que l'être humain qui se conscientise, est-ce que l'être humain qui commence donc à avoir une conscience où il comprend la mécanique? Est-ce que l'être humain qui commence à avoir une conscience qui est capable de traduire de l'intelligence? Exemple, souffrir, ce n'est pas intelligent. Se battre, ce n'est pas intelligent. Tuer, ce n'est pas intelligent. Être assujetti par la matière, ce n'est pas intelligent. Devoir continuellement travailler pour apparemment survivre, ce n'est pas intelligent. Devoir continuellement peiner, être malade, être stressé, ce n'est pas intelligent. Avoir toujours peur que nos enfants se fassent frapper, se fassent violer, se fassent enlever. Avoir simplement peur que nous, lorsque l'on sort, on a des problèmes, mais ce n'est pas intelligent. Est-ce qu'on est capable juste de déterminer ce qui est intelligent et ne l'est pas, juste pour le fun, pour s'amuser? On définit, selon nous, qu'est-ce qu'on aimerait. Et si vous prenez ce prototype-là, vous allez le montrer à quelqu'un, ils vont rire de vous. Le problème, c'est que dans le fin fond d'eux-mêmes, ils rêvent tous. Si 10 000 personnes vont montrer le même prototype, alors on ne rit plus de vous. Par contre, on va essayer de vous le voler. Si l'humain est intelligent, il doit nécessairement travailler avec des êtres humains intelligents et il doit aussi travailler en fonction de se préserver, sans violence, sans problème. Vous savez, un être humain intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un immense vaisseau spatial pour s'en aller sur une planète géniale qu'il a découvert. Et là, tout le monde se garoche pour y piquer son vaisseau spatial. Qu'est-ce qu'il dit s'il est intelligent, l'humain? Il dit, oh, ben, prenez-le, on va en faire un autre. Noé n'a pas eu besoin de dire ça. Pourquoi? Parce que les autres n'étaient pas encore assez... De toute façon, lui, c'était un laboratoire qu'il faisait. Puis comme on n'avait jamais bâti de si gros bateaux, tout le monde pensait bien que les petites gouttes d'eau étaient pour tomber, c'était pas pour le faire bouger. Les 10 prochaines années peuvent nous réserver énormément de problèmes tels que les prophéties les amènent. Il y a une chose absolument essentielle à savoir, c'est qu'il y a différents mondes parallèles, il y a différents phénomènes, il y a toujours des êtres humains qui échappent totalement et intégralement à la misère et à la vie des autres. Il y a des êtres humains qui le font parce qu'ils sont trop inconscients pour être conscients du problème. Il y a des êtres humains qui le font parce qu'ils sont supraconscients. Ils sont capables de conscientiser la solution au problème. Il y a des êtres humains qui sont capables aussi de travailler, même s'ils ont de la créativité intelligente, ils sont capables de travailler en se groupant. Ce que normalement l'humanité, qui se conscientise, ne peut plus faire. Les Japonais marchent mieux que les Américains, même s'ils ont été rasés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent collectivement. Ah, ils en souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font. Ils ont un rêve de devenir Américains, dans l'expression de leur vie. Les Américains, eux autres, ben, ils se suicident, ils se droguent, ils boivent, ils font la guerre. Lorsque l'on a une conscience, qu'est-ce que c'est qu'une conscience? La faculté de discerner l'intelligent de l'inintelligent, l'écologique de l'inécologique. Certains diront le bien du mal, bon, ça va, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'une chose intelligente? Une chose qui fait du sens. Mais une chose qui fait du sens, c'est que par définition, c'est une chose qui ne doit jamais être exprimée. Tout peut changer, de A à Z, et même de A à A. Présentement, les choses changent. Mais lorsque l'être humain a une conscience quelque part, lorsque l'être humain est contre l'avortement, un exemple, et qu'on dit que c'est plus illégal, eh bien, ils chialent tout chez eux. Mais jamais ils vont décider, en tant qu'individu, d'acheter une petite annonce dans le Journal de Montréal pour dire qu'ils ne sont pas contents. Ça coûte 25$ peut-être. Ou simplement d'envoyer une lettre ouverte qui vont peut-être passer. Ou d'écrire à M. Chartrand pour lui dire simplement que si vous voulez crier plus fort, là, on va crier avec vous. Ben non! On en parle, on trouve ça au bout ou on trouve ça chiant. Que nous réserve les 10 prochaines années? Je pourrais répondre, ça ne vous regarde pas, vous le verrez bien à temps et lieu. Pourquoi? Ben, c'est pas vous qui menez le monde. Vous autres, l'humain, bien souvent, chiale et critique, mais ne le mène pas. Par contre, du jour au lendemain, il peut décider de mener le monde. Il va commencer par se mener. Il va commencer par exprimer ce qu'il perçoit comme étant intelligent. Et il va surtout chercher à rencontrer d'autres humains qui pensent ou qui amènent le même genre d'intelligence que lui. C'est ce qu'il devra faire. Parce que sinon, à quoi ça lui sert d'être intelligent si c'est juste pour pouvoir chialer? À quoi ça lui sert d'être intelligent si c'est juste pour pouvoir souffrir plus? Lorsqu'on a commencé à faire une structure pour retrouver les enfants disparus, eh bien, ce sont les parents des enfants disparus qui ont fait ça. Mais c'est intelligent que la société s'occupe de ça. Non, la société... Elle a 6 millions d'enfants. On va perdre quelques-uns. Surtout qu'eux autres, ils ne payent même pas d'impôts. C'est même pas économiquement rentable. C'est des dépenses. Quand l'électeur décide que c'est important, ah ben là. Mais on ne fonctionne pas d'une façon extrêmement intelligente. Même si chaque individu est intelligent, le problème, je le répète, c'est qu'il ne croit pas à l'intelligence d'un groupe. Il ne croit pas à l'intelligence d'une cause. Quelle que soit la cause! Il se laisse aller. Les 10 prochaines années peuvent être ceci. Ils peuvent voir lentement l'économie s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'économie est tributaire de l'économie de tous les pays du monde. Étant donné que les pays pauvres ont des dettes énormes envers les pays de moins en moins riches, et que certains pays décident déjà de ne pas payer leurs dettes, et que d'autres de plus en plus vont le faire. Nécessairement, les pays riches vont de plus en plus faire... Enfin, se rapprocher. On ne peut plus faire faillite aujourd'hui. Ça veut dire qu'on fait faillite, mais ce n'est pas une faillite. Ça fait qu'on ne peut pas faire faillite. Bon, comprenez? Simple. Une ville qui décide qu'elle ne paye plus rien, bien, elle repart. Elle n'est pas en faillite. Un individu qui décide qu'il ne paye plus, lui, est en faillite. OK? Fait que les sociétés ne font pas faillite, là. Mais c'est rien qu'un jeu de mots. Lentement, l'économie tombe. Quand l'économie tombe? L'économie tombe lorsque on ferme des usines. On ferme des usines, nécessairement, on prend de l'argent dans la poche de ceux qui travaillent et on la donne à ceux qui ne travaillent pas. C'est écologique dans un système où on comprend le phénomène. Sauf qu'étant donné qu'il y a déjà énormément d'individus qui sont déjà sous chômage ou sous l'assistance sociale et qui le sont simplement parce qu'ils ne veulent carrément pas travailler, il y en a plein qui le sont par nécessité. Ceux-là, parfait. C'est pour eux qu'on l'a fait, pas pour les autres. Lentement, on a moins d'argent parce qu'on travaille plus, on n'achète plus de radio. N'achetant plus de radio, le commerce s'enferme. Vu qu'on vend moins de radio, lentement, la compagnie ferme. Et puis, lentement, on s'en va. Et il y a une chose officielle, c'est que pour remonter une économie, il y a deux moyens. Le premier moyen est un moyen pacifique où l'être humain décide de prendre en main la gestion localement de sa structure financière. Un village qui a des problèmes, bien, si tous les citoyens décident de se fendre derrière pour arriver à faire de l'argent, ils vont trouver des moyens. S'ils attendent après les gouvernements, puis ça chiole un peu, puis il y en a un qui se lève, il y a un projet là, l'autre c'est un autre projet à part, l'autre veut une autre subvention là, ça ne fonctionnera pas. Si on était tous dans le même village présentement ce soir, et que ceux qui sont sur le plateau ici voudraient faire telle chose, ceux-là une autre chose, ceux-là une autre chose, ceux-là une autre chose, tout ce que je pourrais dire, moi, c'est, on va simplement tirer au hasard. Avez-vous une pièce de 25 cents à quatre côtés? On va tirer au hasard et on va appliquer l'idée qui va gagner. Pourquoi? Parce que si eux autres disent, ah ben moi là, eux autres, j'embarque pas. On n'aurait jamais de subvention. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre places qu'il faut l'envoyer. Ou bien non, le million de dollars, il va avoir 250 000 là, puis on va le répartir, puis on va tous s'écraser avec. Le problème dans une société qui se conscientise, c'est que l'humain veut absolument que son idée soit appliquée. Alors qu'il y a peut-être 15 solutions, toutes valables, mais c'est la tienne que tu veux. Et l'autre veut la sienne, et l'autre veut la sienne, et ça se sépare. C'est ce qui arrive. Lentement, au lieu de se supporter mutuellement, les sociétés, les paliers gouvernementaux, il y a trop de chômeurs. Comment on fait pour diminuer le taux de chômage? On les envoie sur le bien social. C'est ce qu'on fait. Il y a énormément de choses comme ça. Ou on leur paye des cours. Ou bien on leur donne une job. Une job de quoi? 3 semaines? 1 mois? 2 mois? 6 mois? Ils sont plus au chômage. Les élections approchent. Le chômage baisse. Après les élections, ils remontent. Pourquoi? Parce que le parti qui est en place, ben là, lui, là, les 6 mois, ça tombe. On n'en parle pas parce qu'ils font tout ça. Mais là, on va dire, ah ben c'était bien pire qu'on pensait. C'est simple. Alors, lentement, tout s'effondre. Si l'humain se réunit ensemble, si dans un village, ils décident qu'ils vont attirer du tourisme, si dans un village, ils décident que chaque personne va s'arranger, et ça va marcher. Le problème, c'est que ceux qui se conscientisent deviennent individualistes. Ils vont dire, moi, quand ça ne marchera plus, moi, simplement déménager. C'est plus simple. Ou moi, simplement mourir là, finira là. Il y a une autre solution. Si ce n'est pas une solution où les êtres humains décident d'appliquer de l'intelligence dans leurs conditions de vie, l'autre solution, c'est bien simple. On doit détruire tout ce qui existe et là, il y aura de l'emploi en masse parce qu'il faudra tout rebâtir. On appelle ça normalement une guerre. Alors, les actions des compagnies militaires ne baissent pas. Quand ils baissent un peu trop, eh bien, il y a toujours quelque part sur la planète parce qu'ils ont besoin de quelque chose, puis on vend. Une guerre, c'est extrêmement stimulant pour l'économie. Ça replace tout, ça élimine énormément d'humains, ça baisse le chômage. Et par la suite, eh bien, ça crée de l'emploi. L'emploi n'est pas tellement rémunérant, mais tous les humains, après une guerre, s'unissent pour rebâtir. Alors, posons-nous la question. Est-il intelligent de s'unir pour rebâtir, ou s'il ne serait pas plus intelligent de s'unir pour bâtir? De toute façon, l'humain va s'unir. De toute façon, l'humain va s'unir. Qu'il le veuille ou pas, à un moment donné, il devra frapper à la porte de son voisin. Ou bien non, il sera voué à disparaître. De toute façon, l'humain va s'unir. Et dans les 10 prochaines années, on va voir ce qui va se passer. Il y a 10 années à venir où plusieurs humains vont s'unir pour bâtir, et il y a 10 autres années par la suite où plusieurs humains vont s'unir pour rebâtir ce qui va rester de ce qu'ils avaient. Il est bien évident qu'à travers ceux qui vont commencer par bâtir dans les 10 prochaines années, plusieurs de ces bâtisses ou de ces constructions, de ces innovations-là, on parle de bâtir un monde, peut être détruit. Mais ils auront moins l'expérience. Ils auront déjà accumulé des choses. Ils seront déjà finalement prêts à bâtir, parce que ce sont des bâtisseurs. L'humanité est divisée en 2 camps. Le cultivateur, le chasseur. Alors, il y a celui qui tue pour vivre, et il y a celui qui sème la vie pour vivre. On peut être dans un clan ou dans l'autre. Je ne parle pas d'être végétarien ou quoi que ce soit. Même élever du bétail et ensemencer la vie. Mais lorsque l'être humain, pour se stimuler économiquement ou quoi que ce soit, doit engendrer la guerre, ça stimule. Ça lui donne une raison de vivre, fuir la mort. Dans les 10 prochaines années, il y a énormément d'humains qui vont s'unir pour bâtir. Et ces humains-là ne s'uniront pas tous à la même place, à travers le monde. Il y en aura qui vont s'unir pour bâtir. Il y aura possiblement beaucoup d'humains qui vont s'unir pour les démolir. Ça va de soi. Et il y aura énormément d'humains qui vont juste attendre pour voir. Le problème, c'est que quand une chose commence, prenons l'exemple du village écologique du Verseau qu'on a ici au Québec. Quand ça a commencé, ça ne coûtait pas tellement cher rentrer là-dedans. Aujourd'hui, qu'ils ont des serres immenses, ils ont même qu'une compagnie qui est placée à la bourse, essayez de rentrer là-dedans. Ce n'est pas 2000 piastres qu'ils vont vous demander. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et là, vous allez dire, ah oui, mais là, ça n'a pas d'allure. Bien, pendant que tu attendais, les autres, ils bâtissaient. Maintenant que tout est fait, tu trouves que c'est normal que tu viennes mettre ton bonbon, puis là, ben, tu as accès à tout. Il y aura toujours ce problème. Les 10 prochaines années, elles réservent à l'humain un été des Indiens. Qu'il se passe quoi que ce soit ou non, sommes-nous suffisamment intelligents au Québec pour pouvoir envisager simplement la construction d'un monde qui pourra nous servir en cas de paix planétaire, en cas de guerre mondiale, en cas de cataclysme, en cas de système communiste, en cas que ça change pas pantoute. Simplement un endroit où on pourrait exprimer quelque chose, ou un mode de vie, ou un mode de pensée, ou un mode de parole. Serions-nous capables aujourd'hui de penser que juste le fait d'avoir des amis, ça peut être intéressant? L'humain va dire non, parce que quand tu as des amis, bien, si pendant un mois tu ne veux pas les voir, bien, tu perds tout, tu es obligé d'entretenir ça. Non, c'est pas des amis, ça. Ça, c'est pas des amis. Il y a des peuplades dans les pays sous-développés, ils vont vivre un peu dans un village qui s'étend assez loin parce que c'est assez disparate, puis à un moment donné, soit la guerrière rose, soit un incendie, soit un cochon, détruit toute la maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive qu'ils pleurent pas trop. Si quelqu'un est mort, bien, ils pleurent un peu, ils l'enterrent, en font un autre. Et puis après ça, bien, ils se mettent toute la gang, le village, puis ils rebâtissent la cabane. Alors, aller chercher du bois pour faire une cabane en bois rond, c'est long, hein, à la hache ou au siot, ou n'importe quelle façon. Mais j'ai besoin de 100 arbres. Si on est 100 à aller dans le bois, c'est pas long. Sauf que l'humain, qu'est-ce qu'il se dit? L'humain, il se dit simplement, ben, pourquoi? Ma maison est correcte, moi, je sais pas pourquoi il faut que j'ébûche. Et ça, c'est le Québécois pur. Oui, ta maison est correcte. Effectivement, il n'y a pas de raison intelligente que tu aies bûché pour toi. Et les autres, c'est leur plan de vie. Et les autres, c'est leur vie, c'est leurs expériences. Et les autres avaient rien qu'à s'arranger pour pas que le feu prenne dans leur cabane. Soit. Combien d'énergie vas-tu dépenser à couper un arbre et le traîner jusqu'à la maison qu'on doit rebâtir? Et si l'humain décide de le faire, il va se rendre compte qu'énergétiquement, il va récupérer. Le problème, c'est que plus l'être humain se conscientise, plus il devient agressivement violent et plus il s'éloigne du monde. C'est le monde qui finalement va le rejeter. Les 10 prochaines années, vous aurez des questions, je vais y répondre. Plus la question sera claire et plus je pourrai facilement répondre. Si on pose une question comme, ben moi personnellement, là, en 87, il va m'arriver quoi? En 87, c'est facile. En 97, il va m'arriver quoi? Il va t'arriver bien des choses, là. Lis ton horoscope, tu vas voir, on va te dire la même affaire. Tu vas être heureux pendant un bout de temps, tu vas avoir des problèmes, tu risques d'avoir un accident, tu vas peut-être faire un voyage, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui va te plaire. Voilà ce qui t'arrive à 97. Faites-vous faire une carte et un horoscope, ils vont vous dire la même chose. Bon, des questions précises, on peut parler. Pas des questions personnelles, mais des questions sur notre système social. C'est pas intéressant de savoir ce qui va arriver à l'Europe. L'humain est là, puis l'humain est trip. Hey, les rocheuses vont s'enfoncer. Wow! Au Québec. La moitié de l'Europe, wow! On est au Québec. Los Angeles, ça nous concerne un peu, mais même là. Alors, il faut qu'on s'enligne pour soit déménager en Europe, Des Rocheuses? Ou à Los Angeles? Et là, vous aurez une raison intelligente de dire « Wow! » Mais là, on est au Québec. Alors, il n'y aura pas un moyen pour que les Québécois... Et vous êtes tous des êtres humains. Quand je dis les Québécois, je ne dis pas les Québécois d'une façon raciale. Mais présentement, parlons au moins du Québec ou de Montréal ou du secteur. Et il y a sans doute énormément de raisons pour que des êtres humains s'unissent. Moi, j'ai rencontré personnellement des individus. Il y a un bonhomme à un moment donné qui voulait absolument réveiller certains humains. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, quand je marche dans la rue, je dis bonjour à quelqu'un et il pense qu'il m'a l'attaqué. Fait que j'ai pensé que peut-être que si je vendrais des livres qui disent aux gens qu'ils peuvent cesser d'avoir peur, bien, ça va peut-être changer la société, puis à un moment donné, bien, il va pouvoir aider une personne sans qu'elle me tape avec sa canne. Bon. Alors, il a ouvert une librairie. Une librairie. Une librairie où il vendait des livres où on parlait d'amour, de paix. Ça n'a pas été long que tout le monde disait qu'il s'était ouvert à une librairie spirituelle, puis qu'il voulait partir une secte. Alors là, il a mis une pancarte vite, vite dehors, librairie ésotérique. Paf! Puis là, il a mis des livres de massage, de tarot, à travers un paquet d'autres livres, des livres de paix. Là, les gens qui recherchent la paix viennent fouiller là, les gens qui recherchent les chandelles viennent fouiller là, puis les gens qui recherchent des tarots viennent fouiller là. Mais lentement, le gars, c'était un bon vivant, puis il communique des choses. Ça par rapport. Ça a été très dur. Il faisait partie d'une fraternité, la Fraternité Blanche Universelle. Alors, à un moment donné, il a même fallu qu'il fasse comme s'il ne faisait plus partie de rien, parce que c'était compliqué. Une autre personne que j'ai connue, elle a décidé, elle, d'enseigner aux parents comment travailler avec des enfants. Comment arriver à se rapprocher affectivement d'eux. Et même chose encore une fois, elle a été démolie par tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'elle chargeait de l'argent pour ses cours. Alors, on a dit qu'elle gagnait sa vie sur le dos des pauvres parents qui avaient des problèmes. Savez-vous qu'un médecin gagne sa vie justement parce que vous êtes malade puis qu'il se fout royalement de vous, il en profite? Que le gars qui vend des souliers, il devrait vous les donner gratuitement, merde, on en a besoin, il vous exploite, il vous fait payer même les souliers. Vous avez mal aux dents, c'est de votre faute, le dentiste. Collègue, lui! C'est écœurant! Pensez-y! Vos enfants ne savent pas écrire, ne savent pas lire! Les professeurs, ils n'ont même plus la vocation! Maintenant, ils reçoivent des salaires! Il n'y a rien de plus écœurant! Et puis, en plus, une grande partie de votre salaire, on le prend, puis il s'en va ailleurs. Et si vous ne le donnez pas, c'est la prison, c'est la poursuite. Alors, à un moment donné, les témoins de Jéhovah, ben, ils se font poursuivre parce qu'ils demandent une dîme. Parce qu'ils disent, de temps en temps, à leurs parents, quand vos enfants ne sont pas capables de rester assis dans l'église, là, ben, allez les dans ailleurs, là, puis chicanez-les. Ah, c'est écœurant. Imaginez-vous rendre un témoin de Jéhovah pour aller chicaner son enfant quand on peut le faire chez soi, le battre à mort. Sans donner notre dîme. Vous savez, quand l'être humain, collectivement, veut détruire quelque chose, c'est facile. Il y a un tel évangéliste qui a été pris avec une prostituée. On avait entendu parler. Ce tel évangéliste-là, tout le monde maintenant, fait, hein? On le savait-tu, hein? C'est un être humain, le bonhomme. Qui croit ou qui ne croit pas à ce qu'il fait, il y en a aidé un maudit paquet. Il y en a quelques-uns qui ont nuit, mais il y a partout où on a du monde qui se font nuire. Et il y en a aidé un maudit paquet. Puis parce que cet homme-là est un être humain, parce qu'il n'a pas réussi à toujours faire ce qu'il disait, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il a dit est faux? Non. Ça recommence plus. Bon, puis continue à prêcher. Mais non. On est toujours à l'aguet du problème, à l'aguet de quelque chose. Aller au forum, c'est 3 000 $ pour un billet de saison. Le plus cher des centres de croissance personnelle qu'on attaque présentement, ils ne demandent même pas autant pour un an. Il n'y a pas de sens à la glace, il n'y a pas de problème. C'est là-bas on peut. Vous voyez l'idée? Alors, si à un moment donné, des personnes font quelque chose qui semble intelligent, les 10 prochaines années, on doit s'arranger pour soit créer de l'intelligence, soit appuyer de l'intelligence. Faire quelque chose. Parce que sinon, il y en a un paquet qui vont passer à côté complètement. Qu'est-ce que ça veut dire passer à côté? Ça veut simplement dire que si à un moment donné, les problèmes arrivent, et ils arriveront, eh bien, il va juste être trop tard pour commencer à aller voir ceux qui se seront préparés pour leur dire, « Ben là, j'ai dansé tout l'été, mais j'ai faim. » Vous risquez de vous faire dire, « C'est une fable, tout ce compte-là, toi, là? » Ils vont tous vous envoyer boire à la fontaine, ça, c'est sûr. On ne doit pas faire une chose parce qu'on a peur de... Personnellement, ça m'arrangerait qu'il n'y ait aucun problème, aucun apocalypse, aucune crise économique, rien. Le problème, c'est que l'humain ne s'alliera pas. Parce que l'humain n'exprime pas individuellement, dans une collectivité, suffisamment son intelligence. On a tous de l'intelligence, mais on ne l'exprime pas collectivement à cause d'un paquet de schémas collectifs qui nous l'interdisent. Alors, nécessairement, à un moment donné, l'humain devait mélanger les races. On devait mélanger les races, la génétique, ça crée des corps physiques plus forts. Et ça devait engendrer une structure hyper solide dans une terre neuve qui s'appelait les Amériques, Canada, États-Unis d'Amérique. Ben, les humains étaient racistes. Adolf Hitler est sorti de là. Il est rentré avec son sabre un peu partout. Tout le monde a fui tous les pays différents de l'Europe pour venir s'établir dans les États-Unis. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on a réussi. Ça aurait pu se faire autrement. Cesser d'être raciste. On peut pas de problème. On va s'organiser pour que tu sois en train de mourir, puis une personne de notre race ira te sauver. Puis là, peut-être que tu vas comprendre. Les 10 prochaines années, on peut les passer à fuir l'idée qu'il y aura des problèmes et à observer lentement une dégradation. On n'a pas besoin que le pape se fasse assassiner. Savez-vous combien de gens qui étaient plugués à leur télévision quand le pape est allé en France, quelque part, où il y a deux fleuves? C'était pas des religieux qui regardaient. C'était du monde qui souhaitait l'apocalypse. Ah oui, c'est pas l'apocalypse qu'il souhaitait, c'était la mort du pape. Mais la mort du pape était supposée être un signe très dangereux de... Mais il y a une chose, c'est que Jean-Paul II n'est pas n'importe qui. Il est allé là, sachant que... Et il en est revenu. Parce qu'il aurait fallu qu'il y aille sans savoir que... Les choses n'arriveront pas comme l'homme pense. Mais les choses évoluent quand même. On peut bâtir un monde neuf. Quand je dis bâtir un monde neuf, on commence à bâtir un monde intérieur où on veut vivre de l'intelligence, où on s'enligne pour que ça apparaisse. Plus il y a du...